messe pour aller aux champs, on va vous verser le sang d'un innocent, le sang de mon frère, le sang d'un descendant d'Adam, le sang, ah, aïe, le sang. Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Faux vous faites là, je suis pas dedans. Je dis vos palabres que vous faites là, moi je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Oh yes. Ma vie volée. Je suis pas dedans, la guerre vous faites là. Je suis pas dedans, j'ai dit vos ouroubous vous faites là. Moi, je suis pas dedans, vos palabres que vous faites là. Moi, je suis pas dedans. Moi, je veux vivre en paix. Moi, je veux vivre en paix. Moi, je veux vivre en paix. Moi, je veux vivre en paix. VDCI, RDR, PIT, FPI, rébellion, loyaliste, Annecy, Purcy. UDSI, UDPCI, PCCI, TSI, Nyama Nyama Si, Pata Pata Si, Sonia Nisi, Kwa Kwa Si. La liste n'est pas exhaustive, c'est comme ça que ça se passe ici. Si je veux tous les citer, mon ami, on va pas quitter ici. On est 16 millions d'habitants pour presque 16 millions de partis. Il y a même le parti politique des buveurs de Koutoukou et de Bangui. Et aussi le rassemblement de tous les mangeurs de Yakoubani. C'est tellement invraisemblable que quand j'en parle, il y en a qui rient. Mais c'est la triste réalité que nous vivons ici en Eburni. Et il se trouve des gens pour me dire que c'est pour l'avance de la démocratie. Mais au lieu de la démocratie, on nous sert plutôt l'ethnocratie. Abat le multipartisme si c'est pour semer la zizanie. Y'a que les politiciens que la division enrichit. Ils sont en train de détruire mon beau pays. Yagayo, Zagazo. Akafaya plus. Yagayo. Zagazon. Aïe, aïe, aïe. Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Je dis vos ouroubous vous faites là, je suis pas dedans. Vos palabres que vous faites là, moi je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Il y a ceux qui nourrissent la haine parce qu'ils sont nourris de haine. Il y a ceux qui jouissent des fruits de la haine. Fruits de la haine de ceux qu'ils nourrissent de haine. Bardeur de diplômes, mais bornés d'ignorance. Chaque jour, ils nous étalent la grandeur de leur carence. Diamant te conseille la méfiance. Fais gaffe, sinon ils t'entraîneront dans leur errance. Oh, hein. Je suis pas dedans, politique là, je suis pas dedans. Faux-rourou vous faites là, je suis pas dedans. Je dis vos palabres que vous faites là, moi je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Je ne ferai pas la guerre du bon Dieu à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Bouddha à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Allah à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Jésus à sa place. Car pour moi, y a pas de chrétien, y a pas de musulman, y a pas de bédé, y a pas de djoula, y a pas de baoulé, y a pas d'aladien, y a que des nyamogadiens qui n'ont rien compris, y a que des imbéciles qui nous pourrissent la vie. Je suis pas dedans, politique là. Je suis pas dedans. Faut pas que bateau y a là. Je suis pas dedans. Je dis vos sortes.